Thank you. beaucoup. C'est monsieur Luigi Cricchi, Emily Brissou, Piccolo, Vla Turcanu, flûte, Mathias Bühler, oboe, Ryoko Ktori, bassoon, Simon Itten, basse, Lionel Pinton à la tuba, monsieur Yushi Nokushi, basse clarinette, monsieur Sébastien Schisser, baryton, et madame Michelle Hess, soprano. Merci beaucoup. Et le percussionniste, ouais, il est trop loin là. Marco Sanchi, percussion. Pardon. Alors.